Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota à la station KFAI 90.3 FM à Minneapolis et à Saint-Paul, c'est 106.7 Radio Sans Frontières. Et nous avons la chance d'avoir une invitée. En anglais. You're listening to Fresh Air Community Radio. KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And you're listening to Bonjour Minnesota. Bonsoir Dana, bonsoir Frédéric. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir notre invité. Bonsoir Yann. Bonsoir. Bonsoir Yann. Bonsoir. Alors, quelle chance que nous avons d'avoir un musicien compositeur qui vit à Minneapolis, qui vient de la France, de la ville de Marseille. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Ben merci. Merci beaucoup à vous. Alors, c'est dans la semaine dernière, vous avez lancé un nouvel projet. Qui s'appelle Solercia. Solercia. Solercia. Qu'est-ce que c'est? Parle-en. Alors, Solercia, en fait, c'est. C'est mon nouveau projet. C'est dur à expliquer parce que c'est long, mais j'ai été musicien pendant. Je suis toujours musicien d'ailleurs. J'ai 38 ans, ça fait 30 ans. Depuis toujours. Voilà. J'ai commencé avec l'harmonica et la mandoline, comme tout le monde. Oui, j'ai commencé la batterie. Ma mère m'a inscrit à des leçons de batterie. J'avais 7 ans. Cool. Génial. Et je me rappelle, je sortais de l'école et j'allais aux leçons de batterie. Puis je m'éclatais parce que c'était... fallait taper sur des tambours. Enfin, c'était... Et intelligente la maman. Intelligente la maman. Ouais. Ça, c'est... Merci à la maison. Si elle m'écoute. Bonjour maman. et puis voilà, j'ai commencé par la batterie et ensuite je me suis mis au piano. Et ça, bizarrement, le piano, ça me plaisait pas. C'était trop théorique. C'était trop. Il fallait apprendre trop de choses. Je suis pas quelqu'un qui aime apprendre la musique par la théorie. Mm-hmm. J'aime bien commencer un instrument et savoir que c'est pas si difficile en fait. C'est dès qu'on joue, ça sonne bien. Ouais. Et donc le piano, j'ai tenu 3-4 ans, puis ça m'a pas trop plu. Et je me suis mis à la guitare. Et j'ai tout de suite, en fait, je suis tout de suite passé par la guitare électrique. Je suis pas passé par la guitare acoustique. La guitare acoustique, c'était trop difficile aussi. C'était comme le piano. Il y avait trop de théorie, il y avait trop de choses à apprendre. Donc ça sonnait pas bien quand. En fait, tu pouvais, avec la guitare électrique, tu pouvais générer des sons, exactement, des trucs sympas presque tout de suite. Quoi. Juste avec une note, avec une guitare électrique, grâce à l'électricité, grâce à l'ampli, il y avait quelque chose qui sortait. Alors qu'une guitare acoustique, tu places mal ton doigt, ça sonne pas bien. Donc je me suis mis à la guitare électrique, je devais avoir 11 ans. Et là encore, c'est ma mère qui m'a acheté ma première guitare et mon premier ampli. Et voilà, et fur et à mesure, en fait, j'ai créé beaucoup de groupes où je voulais être, en fait, vraiment le. Je voulais pas être un guitariste normal. Je voulais faire une carrière solo. Je voulais être Satriani. Je voulais être Steve Vai. Je voulais être. Et au fil du temps, je me suis aperçu que j'avais pas forcément le niveau, mais par contre, j'avais beaucoup d'idées. c'est déjà bien. Il faut en avoir. Oui, c'est déjà bien. C'est bien. Et donc j'ai monté ce groupe-là qui a tenu 15 ans de ma vie, qui s'appelle Ad Inferna, qui a été 15 ans de ma vie, et avec lequel j'ai sorti 7 albums. Tout s'était bien passé, je ne vais pas vous raconter toutes les histoires parce que c'est un peu trop, mais... Et à l'issue de ce groupe, en fait, il y a des divergences avec mon chanteur qui ont fait qu'on n'a jamais vraiment mis le groupe sur scène. Parce qu'il ne voulait pas, parce que c'était pas... Après cet album ? Alors, on a mis le groupe sur scène, le premier album. Okay. Et après, c'était fini. Enfin, il ne voulait plus. Il avait vraiment un problème avec Il avait vraiment un problème avec le public, il avait vraiment un problème avec l'audience. Il voulait pas se montrer, en fait. Mm-hmm. Ça arrive. Ça arrive. Sauf que moi, j'ai tenu longtemps comme ça. Et donc, en fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis dit, c'est une bonne opportunité, en fait, pour créer un groupe qui va finalement arriver peut-être sur scène et dans un pays qui... c'est peut-être le meilleur pays en fait pour commencer quelque chose en fait et vraiment le rendre concret. Mm-hmm. Parce que c'est très, on trouve en règle générale que les États-Unis sont un peu plus ouverts et acceptent plus. Tout à fait. Le public français a tendance à être peut-être un peu plus difficile. Accepter au départ. Mm-hmm. Alors, c'est effectivement ce que tu dis, tu as raison. Alors, la seule chose, c'est que je pense qu'en France, c'est plus difficile d'accéder à la scène. Par contre, une fois qu'on y accède, t'as beaucoup plus d'audience, t'as beaucoup plus de monde. Okay. Je pense qu'ici, c'est beaucoup plus facile. Mais par contre, c'est plus difficile de se faire connaître parce qu'il y a énormément de groupes, il y a énormément de choses en fait, qui se passent. Donc je pense que c'est plus difficile ici de se faire connaître, de percer. Alors qu'en France, une fois que t'es arrivé à faire l'effort t'arrives à faire quelque chose. Je pense. Ok, cool. Après. Ouais, c'est une bonne perspective. Hein. Voilà. Moi, j'ai toujours été partie du public. Donc. Partie du public. Ouais. On peut passer à la musique, ad infirma un peu. Oui, oui. J'aimerais bien entendre. Alors, quelle méthode de distribution? Alors, c'était en ligne que. Alors, oui, la plupart des gens qui. Ou est-ce que c'est sorti en vinyle? C'est sorti en CD. Tous les albums, en fait, qu'on a fait ont été. En CD. Oui, ou... c'est sorti en CD. D'accord. Ouais, bien sûr. Pour l'instant, je ne pense pas avoir fait un album 100% digital pour l'instant. Je ne pense pas, à moins que je me trompe. Mais sinon, on a toujours eu des labels qui nous ont fait confiance. J'étais vraiment, je dirais pas surpris, parce que je me mets un peu plus bactère en disant ça, mais j'ai toujours eu la chance d'avoir des labels qui m'ont suivi et qui m'ont fait confiance. Et qui m'ont permis en fait de vraiment sortir ma musique en CD, alors que je l'ai pas sorti en live finalement parce que j'ai pas eu l'occasion, mais tout au début, mais voilà. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir, j'ai mes 7 albums en CD et puis c'est très bien comme ça. Ok. On va écouter la première piste ou la j'allais dire chanson, mais c'est il y a du lyrique, mais le premier morceau. De Ad Inferna, Evelation, et c'est le morceau qui s'appelle Délivrance. Mm-hmm. Okay. Mm. Donc on y va. Transverse, la transpare. De retour avec Yann. Mm-hmm. Donc on a entendu deux morceaux. Le premier c'était Délivrance. Et Infernal, ouais. Mm-hmm. Le deuxième c'était Invisible. Invisible. Donc le deuxième est assez intense quand même. Il est intense. C'est le dernier morceau de l'album. Il est assez intense celui-là. Ouais. On l'a fait en coopération avec un Norvégien qui s'appelle Morpheus. Ok. Qui c'est pas son vrai nom. Ah, hein. C'est pas son vrai nom. Morpheus, il a eu beaucoup de notoriété dans les années 90, non? Oui. Mm-hmm. Ouais, je connais. Ouais, ouais. Il était très populaire en France. Ah oui, oui, mmh, ouais, certainement. Mmh. Ouais, mmh. Donc, ouais, c'est il me plaît beaucoup ce morceau parce que c'est vraiment la fin de l'album. C'est vraiment le morceau qui termine la chose de façon assez violente, on va dire. Ouais. Cool. Mais c'est le dernier, c'est vraiment le dernier album électronique que j'ai fait. Bon, après, il n'y en a eu qu'un seul, puis il y a eu l'opéra aussi, mais je savais au fond de moi, en fait, je savais que c'était vraiment la dernière chose que j'allais faire de façon vraiment complètement électronique, comme Ad Infernal. À la fin, c'était vraiment complètement électronique. Et je voulais vraiment terminer sur quelque chose de ben voilà, grandiose. Ouais, on va se souvenir de ça parce que même moi, même pas les gens, mais je voulais vraiment voilà finir sur quelque chose de dont je sois fier et puis mettre tout dedans quoi. Cool. Mm-hmm. Cool. Shall we translate a little bit of what we talked about previously? For I mean, we have a part of our listeners are not French speakers. So we've been, I mean, sometimes we go back and forth, but we've been chatting a little bit in French, which they like too, but... Jan, who also goes by the name Voa Voxed, is a French expat composer, musician from Marseille, and last Friday he released a debut of a new project called Solercia through the French record label Apartheia Records. And his background spans for many years, like he was telling us, he's been playing since he was a kid. playing drums when his mom sent him to play drums. I mean, it was my mom sent me to play drums. Anyways. What a patient woman. Yeah. she sent you out of the house to play drums, though. She was smart enough to send him out and to have his outlet being outside of the apartment or the house. And what we just heard was from his, for many years, he was like in the group. You were the main composer, musician of Ad Inferna, and you put out 7 albums. Only the first album you guys performed, but the rest of them were went out as CDs, and with some notoriety and very, we were asking about the title, Deliverance, and the reason what the title, could you explain for our listeners, like, what those 2 songs were about, or like the inspiration from, for them? The songs from the album, the last album. The one we just heard, I mean, Deliverance and Invisible, and the fact that I thought you explained very well in French how one of the person could compose and get out through music his inner thoughts. Demons. That's what I said, is that when you are not able to express your feelings in front of an audience, in front of people, because you are kind of, you know, like a, I wouldn't say ashamed, but you know, you have like a major, maybe like I would call that like a disease or something against before, like it's a social disease. Sometimes it's a phobia or something. Yeah. You know? Then you know that you tend to write down all of your feelings and kind of, you know, like, it's the easiest way to do that. And it's, I really think that it's, you know, being a musician, I really think that it's, it's very efficient, because you really think that afterward, you really think that, I did it, you know, it's out now. Yeah, it's out now. Exactly. Yeah. A medium. Do you write for concerts or mainly for recordings? The last year I was reading mainly for recordings, because I didn't have the lineup to go on stage, and you know, I was like kind of. So the last year with this band. Yeah. Okay. So it's kind of frustration, but meanwhile it's like so exciting, because I have my own studio. So it's so exciting to, you know, like go in your studio and be like, okay, so right now I'm gonna take a month, but I'm gonna compose this album, and I have, you know, I have a record company like trusting me, so I'm, you know. What is the name of your record company? Right now it's Apathia Records. Oh, okay. But before, like I got like several record companies, so. Yeah. Oh. And we're told that you have an opera entitled Demandorx. So could you tell us about that opera that you composed? So are we gonna keep on speaking English or en français as you want, but it's en français, c'est bien, c'est mieux, c'est plus facile. Merci. Donc on parle de l'opéra là. Alors l'opéra, c'est complètement autre chose. C'est complètement différent. Donc c'est le nouveau projet, ça. Hein? Alors non, l'opéra, l'opéra, il a déjà 2 ans et demi. Ok. L'opéra il a déjà 2 ans et demi. C'est une idée complètement farfelue en fait qu'on a eue avec mon épouse de faire un opéra vraiment en partant de rien du tout. Enfin, moi, je ne sais pas jouer du violon. Je sais jouer du piano, puis je sais jouer un petit peu tous les instruments, mais vite fait, je n'ai pas du tout le niveau pour jouer dans un opéra, pas du tout. Par contre, on est vraiment parti d'un script qui était connu, en fait, dans l'histoire du sud de la France, qui est Madeleine de Demandolx. C'est une nonne. C'est une histoire vachement connue, en fait. C'est un des premiers procès en sorcellerie qu'il y a eu dans le sud de la France, en 1600 et quelque chose. Donc, on est vraiment parti d'une histoire pour composer, en fait, un opéra qui était assez long, puisqu'il dure 2 heures et demie, vraiment à partir de mots, vraiment à partir de cette histoire que mon épouse a réécrite complètement, enfin, en gardant vraiment les grandes lignes, mais elle a réécrit complètement l'histoire. Et moi, ça m'a complètement passionné de me dire, voilà, pour une fois, j'ai vraiment un scénario, en fait, comme si j'étais un réalisateur de film, en fait, comme si j'étais quelqu'un qui était... Une histoire vraiment qui était écrite, composée, pour vraiment mettre une musique dessus, en fait, de A à Z, et en respectant un minimum, en fait, le milieu classique, en fait, le milieu de l'opéra, tout en, en comptant les instruments qu'il fallait, en essayant de disposer les instruments sur scène, et en faisant quelque chose de concret qui puisse éventuellement, peut-être un jour, être joué sur scène. C'était vraiment le challenge. Mais... Et on a écrit cet opéra, en fait, en à peu près un an. Et aujourd'hui, je pense que c'est la chose dont je suis le plus fier, en fait. C'est vraiment ce côté réel de cet opéra. C'est vraiment le côté tragique, en fait, de l'histoire qu'on a mis en musique et avec des chanteurs exceptionnels, parce qu'il y avait les six chanteurs qui chantent sur cet opéra. Ils sont vraiment exceptionnels, vraiment. Et vous l'avez monté sur scène, quelque part? Non, parce que justement, pas encore. Enfin, ou j'espère vraiment, c'est vraiment ce que j'espère le plus au monde, mais c'est... Il y a trop d'instruments. Combien? Il y a trop d'instruments. Donc, en fait, en gros, si on prend vraiment l'opéra de A à Z, il nous faudrait 96 musiciens pour le jouer. Ce qui représente un budget colossal. Et c'est aujourd'hui... J'ai entendu dire que les musiciens, il fallait qu'ils payent leurs factures aussi. Ouais, exactement. Voilà. Donc, à moins qu'on trouve un bénévole, fringe, oui, pourquoi pas, étudiant. Ouais. Ou à le faire ça de façon progressive, oui, ça peut se faire. Ouais. Ben, j'espère qu'on écoute et puis que ça va se faire. Mais sinon, enfin, l'idée, c'est de le faire de façon progressive, en fait, de faire accepter déjà le... Même de le faire en espèce de film, avec une bande sonore derrière, et puis vraiment les acteurs, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut on peut filmariser ça, on peut le mettre vraiment en scène. Sans forcément avoir tous les musiciens qui jouent en même temps, parce que ça serait vraiment énorme. Ouais. Moi, si on arrive à faire ça un jour, je peux mourir tranquille. Hein. Mais la postérité. Voilà. Mais voilà, c'est, j'aimerais bien commencer progressivement et puis arriver à mettre ça sur scène, faire quelque chose en faire un scénario, vraiment quelque chose qu'on puisse jouer avec. Et puis après, bah, voilà, pourquoi pas mettre. Je dois passer les annonces okay. pour la radio et puis on va revenir après avec Yann. Ok. Yoon shift into cruise control every Monday night from midnight to 2 a.m. Let Mason Butler be your guide through the smooth side of jazz, funk, yacht rock, sweet soul, and AOR disco. Enjoy 2 hours of mellow grooves from the 70s up to today on Cruise Control every week here on KFAI. Cruise Control, smoothness without boundaries. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Et voilà, on est revenu. Donc, on va écouter donc la scène, l'acte 2, scène 12, une partie. Et puis après, on reviendra et puis on expliquera ça en anglais. De l'opéra de Mandoux. De Mandoux. Midi. Thank you. damn him. There is no evidence found to conspire. Not a book or letter to condemn him to fire. But the words he spoke provided enough reason. If I were a witch, I would certainly give my soul to a thousand demons. Sister, that you are not faking. The entire scene is not your making. Men of such easy targets, your reputation's your prize. All it takes is a firm look deep in your eyes. You want the Vatican to notice your actions. You set your goal on a clergy extraction. You should thank me for this gift, this whole charade. Et voilà, on est revenu avec Yann. Donc, on a entendu son opéra. C'était Demandox. Mm-hmm. Acte 2, scène 12. Scène 12, ouais. And so, we're going to explain a little bit what it was about in English. So, tell us more about it, about the opera, how you came to wanted to write one and talk to your wife about it and what the story is about. I didn't have the idea. She did have the idea to I don't remember exactly how it happened, but I think she really needed to write, because she has a very like big background in music, and was this time where she really needed to make something bigger than she did in the past. And so we came with the idea to like create like an opera, we found this story that was a story of Madeleine de Mandox, like in the south of France, like it was in the 16 something. She wrote like everything about her, like, and she did like perfectly, because the story like made me like very inspired. And I didn't know what it was to write an opera. I didn't, you know, I was in a metal band like for years and stuff. So I was just like, okay, I'm just going to try, you know, and let's do it. You know, we didn't have any like pressure. We didn't have any, you know, like. Yeah, it came out of like. Yeah, it was pure. Let's challenge ourselves and let's have fun. Yeah, and it was inspiration. Yeah. Let's do something interesting. Yeah. It was a challenge between you and between me and her, and I started composing the music, and you know, I was like, that is, you know, like so interesting to like just sit on a desk like on a studio and have like the possibility to create a whole opera just by yourself and just be like, you know, like eventually this stuff that I'm writing right now is going to be played by, you know, like number of musicians, like I don't know, it's still in my head, but I really hope that, you know, one day it's going to be on stage. And because he was like just like, and as I said offline, I think it's the project I am the most proud about, like even right now, because it's a lot of work, but also because it was something unique that I don't know if I, you know, when you're listening to something and when you are just like, even if I would like to compose the same thing right now, I wouldn't be able to. You know, you do something different. Yeah. Mm-hmm. It was just like a period of my life that led to it. Yeah. So, And you said for our listeners, to give a little bit of background, that these nun had been accused of witchcraft, right? Yeah, exactly. So yeah, that was the period of time. I think in the U.S. that was about Salem as well. Yeah, Salem witch hunts. Salem. Yeah. Yep. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. But yeah, that's great. You also expressed the fact that you were happy to be able to work like you say, in a whole, as a whole, instead of working on a track by track basis. And, yeah, exactly. You know, yeah, like on something more. It was like, you know, like continuity. It was like tomorrow. If for example you have like a movie producer that asks you to compose like the music for like an entire movie that you really love, that you know, you are just like, yeah, this movie is just awesome. I just like can hear the music in my mind, so I just have to, you know, like compose it right now. And I don't know. It's just awesome to do that. Go ahead. Ça m'a fait penser à, il y avait l'interview avec Albert Serras, le cinéaste espagnol, il y a quelques semaines, et il parlait de la façon d'avoir, avec sa maison de film, d'avoir cette liberté, d'avoir 100% direction artistique dans un projet. C'est formidable, parce que ce n'est pas la pression commerciale. Ce n'est pas poussé pour le commercial. Il n'y a pas de pression. Ça va plaire à qui va aimer ce projet. What's the market? What's the market for this project? Yeah. Non, ça, parce que ça sort vraiment du cœur et la collaboration. Alors, c'était qui les chanteuses dans l'opéra et ces autres Alors on a eu 5 ou 6. Alors déjà mon épouse en fait, Mélissa Ferlac, qui joue le rôle en fait de Madeleine de Demandox dans l'opéra. Donc c'est le rôle principal, mais c'est un rôle qui est très compliqué puisque c'est une l'histoire en fait, cette fille était très jeune en fait quand l'histoire se passe, elle était très jeune et elle a beaucoup de comportements changeants. Elle passe de la nonne gentille, enfin de la nonne qui a pas de problème, une vraie nonne, à une espèce de chose satirique qui fait qu'il y a dans la voix en fait, surtout dans la voix d'une opéra, il faut vraiment varier les intonations, les Donc c'était très difficile. Donc ça c'était Madeleine. On a eu alors je saurais pas dire son nom de famille, mais Tumor quelque chose Bercu, je sais plus son nom de famille, mais qui est un chanteur exceptionnel, qui a beaucoup de passé. Lui il chante dans beaucoup d'opéras, qui a joué le narrateur, parce qu'on avait décidé en fait de mettre un narrateur moderne, donc de notre époque, qui commentait en fait l'opéra qui se passait en 1600, et donc qui emmenait des choses modernes en fait sur l'opéra. Et on a eu Cassie, on a eu Justin qui est de Minneapolis. Cool. C'est une basse, qui est juste extraordinaire. Et on a eu, je me rappelle, on a eu un Français qui jouait le rôle de Goffredi. Donc c'était Goffredi, c'est le curé qui s'est fait accuser et qui a été mort, pendu, brûlé, pas pendu. Et on a eu un Brésilien qui a joué le rôle d'un prêtre. Ok. Donc tout ça s'est fait de façon c'était tous des gens que moi et mon épouse connaît qui sont venus bénévolement, qui ont cru au projet et qui croient encore, et c'est pour ça que j'espère que je vais pas les décevoir et qu'on va réussir à mettre ça sur scène un jour. Le résultat est très chouette. Merci. Je vais passer une annonce et puis on va revenir. Ouais. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. Well, I won't back down. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. Et voilà, on est revenu. For our listeners who just joined us in the studio, we have Jan F. Voavoxed, how do you say stage name, who has shared with us his opera and his earlier work from Ad Infirma. And now the latest project, which the work just came out, Solersha, correct? You're going to share with us what that is about. Tell us a little bit more about it, and then we can hear some of the work. En français. En français, OK. comme je disais, en fait, ça, c'est un nouveau projet, en fait, que j'ai voulu faire pour vraiment mettre un point final avec mon passé et mon ancien groupe, en fait, à l'Inferna. Et pour revenir en fait aux instruments réels, pour revenir avec une guitare, jouer de la batterie, jouer de la basse, et puis vraiment écouter quelque chose qui soit naturel. Pas que je dise que l'électronique c'est pas quelque chose qui soit bien, parce que j'en ai fait longtemps et puis je continue encore, mais je voulais vraiment revenir en fait aux roots, en fait aux racines, un avec peu plus spontané. Voilà, quelque chose de beaucoup plus spontané, quelque chose de beaucoup plus dont je sois fier parce que j'écoute et je me dis voilà, bah, toute la musique là que t'entends, il y a rien qui est passé en fait, rien. Les violons si, parce que je joue pas de violon, mais il y a rien qui est passé vraiment par le biais d'un process informatique ou quelque chose. Ça n'a pas été retouché après. Enfin, très rarement, enfin que très peu. Après, on est un petit peu perfectionniste et on dit toujours il y a toujours des petits trucs à retoucher. Sinon je serais une bête musicale, mais non. Et puis je voulais vraiment faire quelque chose que je voulais vraiment faire une musique que j'ai jamais écoutée. En fait, que j'écoutais il y a 20 ans de ça et j'arrive plus à trouver des groupes aujourd'hui que j'aime bien écouter vraiment. Oui. Qui c'était quels groupes sont vos influences Il y en a énormément, mais c'est les groupes que j'écoutais c'est dur à dire, il y a une vingtaine d'années, c'est vraiment dur à dire. Mais c'est des groupes comme My Dying Bride, par exemple, Candlemass, Et ces dernières années, qu'est-ce qui t'a influencé le plus? Enfin, tu as dit que tu voulais revenir un peu aux racines, mais est-ce que c'est ces groupes? Est-ce que tu voulais revenir aux racines à travers ces groupes-là? Ou est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont influencé? Il y a des groupes qui sont restés, comme Anathema, Alceste, que tu connais bien, Dana, et Catatonia, par exemple, qui sont pour moi, enfin, c'est des groupes qui sont pareils, hein, qui ont plus d'une vingtaine d'années, et qui sont toujours exceptionnel pour moi et qui reste une grosse influence, mais par contre je me mets vraiment en retrait par rapport à eux, c'est-à-dire que eux ils ont vraiment évolué dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils sont partis d'une musique qui était déjà extraordinaire, mais ils sont arrivés à faire vraiment quelque chose d'énorme. Là moi je me remets dans ma petite sphère et pour moi en fait l'album de Solarcia qui vient de sortir c'est vraiment un album de quelque chose que je voulais faire depuis le début, que je suis jamais arrivé à faire en fait, parce que j'avais un chanteur qui était avec lequel on n'était pas d'accord en fait sur l'aspect musical. Ouais, quand t'as un groupe, bon, faut faire des concessions et tu fais pas toujours exactement ce que tu veux. Exactement. Ouais. Sauf que moi, je n'ai fait pas mal de concessions. Ouais, mais il y a des bonnes choses qui sortent comme Simon et Garfunkel et puis il part. Voilà. mais je suis super fier de cet album et je me dis là c'est un chanteur anglais de UK, from UK, et une chanteuse qui est de Malta, qui sont venus avec moi pour chanter, et je suis vraiment très fier de ça en fait. J'espère que ça va plaire aux gens, parce que c'est... Alors on va écouter un morceau ou deux. Donc le premier qu'on va entendre, ça va être Abstract Object Theory. Et après, il y aura Mathematical Universal Hypothesis. Et ensuite, on discutera de où on peut les trouver. On peut les commander soit en CD, soit en ligne. On y va ? Okay. On y va. We'll be right back. Et voilà, nous sommes de retour. We are back. So we are back with Yann, Dana, and Carol, and myself, Fred. And Yann is our guest tonight. And we just listened to two songs of his new project, Solercia. Solercia. You went the American way. We just talked about the fact that the American way was often saying Xia instead of Xia. And we heard Abstract Object Theory and Mathematical Universe Hypothesis. That was the last track. Well, I think it's amazing for someone who doesn't have a background in opera this sprang right from you. Thank you. You did all kinds of music, rock and up to opera and everything. Yeah. Everything. Mm-hmm. Yeah. Well, we should definitely follow. Yeah, yeah. Keep an eye on you. Thank you. We already liked your Facebook page, so we'll keep announces that are happening. What kind of projects are you going to be working on next? I would like to write a movie right now. Nice. But I'm not going to talk about it because it's going to be too long. But yeah, it's my another. We do need to say that you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI here in Minneapolis and St. Paul. And it is 9 p.m. here in Minneapolis, St. Paul. 4 a.m., I think, in France. It is. Yeah. Mm-hmm. So, vous écoutez Bonjour Minnesota sur KFAI, 90.3 à Minneapolis, 106.7 à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Et nous avons notre invité Yann qui nous parle de son nouveau projet, Solercia. Et donc, où est-ce qu'on peut acheter soit le CD ou acheter en ligne ou l'opéra? L'opéra, il est uniquement, on ne peut pas l'acheter en fait, parce qu'on n'a pas mis en vente. Il est uniquement en écoute sur SoundCloud. Ok. Faut taper Opéra Demand Docs. Alors, Demand Docs, c'est un peu dur à dire, mais c'est. Ouais, on va mettre tous les liens en ligne. Mandolx. Ça doit être ça. Oui. On va le poster sur notre page Facebook. Ouais. Et Solercia, c'est pareil. En fait, on peut l'acheter en digital, donc via iTunes, etc. Et on peut l'acheter en édition limitée, qui est limitée à 500 exemplaires. Via le Facebook de Solercia, où il y a tous les liens, ou via notre label, donc Apacia Records. Ok. Donc, on mettra tous les liens. We'll put all the links on our Facebook page, whether it's the label or the Facebook page or Très all bien. That, so we can. But yeah, only 500. Yeah, it's astounding. You're in every field. Popular music and opera, amazing, and now possibly a film. Yeah, I hope so. So what brought you to Minnesota? I think a lot of listeners sometimes are curious about, you know, how people outside of Minnesota end up in Minnesota. It was my wife. Mm-hmm. Mm. Welcome to the club. Yeah. Oh, you too? Well, except you're still with her. Yeah. Oh, you're not. Okay, I'm sorry. That's okay. We're not gonna. Do you want to talk about it? No. I'm fine. I had my share of therapy. I don't have to do it in front of the mic. Okay. You're doing it on the mic right now. On the mic. Okay. Somewhat. The prochaine fois. All right. I can be contacted through the radio station for anybody who wants to offer. I can give you my therapy if you want to talk about it. That's all right. Maybe. All right. So, should we listen to the last track? Okay. All right. And after that, yeah, that'll be so this track is called Dark Night of the Soul. Okay. We thank you for joining us. Yeah, thank you. Well, thank very you for coming me. À la prochaine. Mm-hmm. Très bientôt. Okay. A new talent right before our eyes. Thank you. We'll be right back.

donne-moi la main. Tu sais, ta fièvre finira bien par guérir. Nos grèves finiront bien par servir à quelque chose, enfin, à quelque chose, ou à quelqu'un. Je suis descendu au paquet t'acheter un paquet de clopes, mais je suis jamais revenu. J'ai traversé la rue, j'ai taxé un taxi et je suis jamais revenu. Crois en ma chance, crois en nos erreurs infaillies. Quelle insolence, vouloir vaincre toutes ces choses invincibles. Oh, sweet home, dans une j'ai descendu au paquet t'acheter un paquet de clopes, mais je suis jamais revenu. J'ai traversé la rue, j'ai taxé un taxi, et je suis jamais revenu. Sa chance, mourir en drapeau blanc dans la main. Quelle élégance que de croire en l'amour de son prochain. Et voilà, on est revenu, on a entendu pas mal de chansons. Donc, et puis, on a toujours notre invité avec nous, Yann. What did we last hear? What was that? Well, the last song, so it's a selection from RFI. C'est la chanson numéro 6. Ah, d'accord. The last song was the song number 6 on the CD. Mm-hmm. Croire en ma chance, Nicolas Michaud. And believe in my luck. Yeah. Mm-hmm. Et puis, nice. On a entendu, je suis un garçon sensible. Avec Philippe Cattari. Mm-hmm. I'm a sensitive guy. What translations? Yeah. Bah, and toi, tu dois connaître ces artistes, hein? Plus ou moins? Plus ou moins. Ça vient de RFI, Radio France Internationale. D'accord. Après Le Bonheur, par Miossec. Ah, Miossec, je connais. Hmm? Miossec, je connais. After the happiness. Oui. Égérie, madame, monsieur. Égérie. Qu'est-ce égérie. Que ça veut dire, égérie? Une égérie, c'est it's a muse. Oh, a muse. Mm-hmm. Mm-hmm. Often a woman. Mm-hmm. Yeah, most of the time. Et puis, on a joué pas mal ici, monsieur et madame. Chaque jour reste le nôtre par Louise Attac. Mm. Ça c'est à venir. Mm-hmm. Ah, c'est ça. Yeah. Okay. That'll come after. And we have some, so there's a couple of things about the Alliance Française. So this coming Friday, there's going to be the Ciné Club. What's playing? It's La prochaine fois, je viserai ton cœur. Next time, I'll target your heart. Ooh. Or shoot your heart. I'm not sure. Yeah, it's kind of a scary movie. Yeah, they say like, you know, for several months in between 1978 and 1979, some people in L'Oise, so it's a department, it's like an area like outside of Paris, but like a little bit out, they are terrorized and seems like this somewhat of a serial killer. So... that sounds pretty fun. It's Friday at the Alliance Française, and that starts at 7 p.m. You can check it out at afmsp.org. Oh, and, you know, just show up. And they accept donation, of course. And Saturday, on the 3rd, there's going to be the Petit Déj in Rochester. And it's from 9:30 to 11:30. And it's not going to happen at the Alliance this on the 3rd. Pourquoi? They don't have one there, I don't think. Well, yeah, they do. Normalement, c'est les samedis, le premier samedi. C'est le premier samedi du mois. No. That's going to be the election, the first round of the elections for the House. Okay. Legislative. Oh, donc, France. Le premier tour des élections législatives. So, the first floor of the Alliance Française will be taken over by... Les voteurs ou les votants. everybody who's registered in Chicago can go and vote there because it's much closer than Chicago. Okay. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe cet été? Il y a des autres événements pour le... Un peu plus après, il y a les jeunes hip-hop dance class. Ah bon? Oui, pour les adolescents. C'est le samedi aussi. C'est le samedi 3 juin. C'est de 4h30 à 6h30. Je vais dire aux mes enfants. Yeah, come dance with us en français. No prior experience required. Très bien. Nice. Location, it's a different location. It's a Zinan Dance Company. Oh, it's 528 Hennepin Avenue. The best is to go to their event page at afmsp.org. What else should we talk about? I've been working on a special project with Trilon Microcinema. So we're trying to mount a film series called about the French Resistance. And so I'm looking for sponsors because I have this desire to get the film La Haine here on the screen in 35mm print. Oh, La Haine. It's one of my favorite films. So if you haven't? No. See, this is why we need to get it here. I watched it recently, I must say. I mean, it came out when I was in France, but I just watched it like a year ago. So if you're interested in help sponsoring and getting the 35mm print film here and then helping us mount this weekend of films, you could contact us either by emailing us at bonjourminnesota@gmail.com or contacting us via Facebook. And there's a limited amount of money for the 135mm print film. And then the Trilon is backing some other film that they have in mind. So, nice. So French film? Yes. Mm-hmm. This would just be a French film weekend. So if you're interested in sponsoring that and making it happen, you will get special mention, of course. So please reach us. Otherwise, we'll continue to talk about French films that are taking place everywhere, even if... They aren't our favorite, even if they aren't our favorite ones. The Trident cinema. I'm talking to Jan, do you know the Trident? The Trilon Microcinema. Have you ever been there? No, have you ever been? There's just a little small art house cinema. It feels like, I don't know if Marseille is the same as Paris, where you have all these little cinemas that play independent movie theaters. Sure, yeah. You do, yeah. So that's the feel of Trilon. They'll have like a film festival and it would be completely obscure. And then you feel like you're in Paris and it's amazing. Like, this is a Jack Nicholson film festival. It oh, is yes, tiny. Just what I wanted. It is tiny and very cozy and very like, okay. Yeah, I mean, they're playing a lot of independent film. They had festival for like Jeanne Moreau festival where they play Ascenseur sur l'échafaud and Jean Renoir. So one year for Halloween they only played French 1960s horror movies. C'était génial. We love the Trilon. Yeah, they're very supportive. We support other ones that should play French movies as well. Yes, but and The Walker and the Alliance. Of I mean, like. Where we can find, good movies. Mm-hmm. So are there any, there's summer camps going on at the Alliance Française for teenagers and kids. Yeah, let me. And I know there was like, wasn't there a class? There's some summer classes or not going on? They're usually a lot of fun. Mm-hmm. They do things like pastries. They make things they can eat and for the young kids. Right. Yeah. there are a lot of classes going on. Mm-hmm. And I mean, it's a good time for the camp. It's a good time to sign up. Mm-hmm. And the Alliance also has a biking group that goes out. Yeah, the Club Vélo. Club Vélo, so check and them out. Pétanque Club? It's not with the Alliance. There's a Minneapolis Pétanque Club that you can look up online. They are independent. Mm-hmm. They often play at Beltrami. Northeast Beltrami Park, Northeast Minneapolis. But outside? Yeah. Okay. Yeah. When it's not snowing. When it's not snowing. Or raining. Minnesota. It's been raining a lot lately. So it probably is pretty muddy. And someone told me, like someone from Nancy, told me that the field in Beltrami looks a lot like the La Lyonnaise pétanque because it's really like enclosed. Mm. You know, and very like limited is a very specific size. Well, I mean, you know, like most of people in France, we play wherever we can. Okay. As long as it's. Les Arènes de Lutèce. Les Arènes de Lutèce, Oual. For Americans who don't know what we're talking about, that's what Americans are now calling bocce. Bocce ball, which is the Italian word. Well, it's not quite the Italian word. Bocce is. Well, the balls are... The balls are different. Larger. They might weigh the same, but they're like a bowling ball material. Right. I mean, the pétanque balls are like smaller, and they are in stainless steel, so they are much heavier. Bocce balls are a little bit bigger, but they are often made of wood, and so therefore they are somewhat lighter, less compact. Mm-hmm. But they play bocce like next door. I mean, we are at KFAI... at the Nomad. We are by the Cedar Riverside neighborhood, and so at the Nomad they have field to play bocce, and they have leagues going and stuff. And once a year, the Alliance Française typically, on a Sunday they do an event for pétanque, and the club pétanque is showing up with tons of boules, and we can just play and drink and play, and do that again. Speaking of boissons and les repas, comment on pas. Comme nous sommes en printemps, alors quels sont les plats que vous aimez à cette époque, aux plats de Marseille qui vous manquent beaucoup? Il y a le printemps à Minneapolis et puis le printemps à Marseille. C'est pas alors à Marseille, qu'est-ce qu'on mange? Il y a quelques mois de décalage et tout. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de saison. Je pense que Marseille, c'est différent pour ça. Il n'y a pas vraiment de saison. Ou si on va pouvoir manger plus dehors, évidemment, ça va peut-être être plus orienté poisson et crustacés, donc coquillages, etc. Mais en fait, on en mange pratiquement toute l'année en fait à Marseille, donc c'est pas parce que le temps est plus constant. Mm-hmm. Quelle chance. On peut pas. C'est pas comme dans le Minnesota où on peut aller chercher que les morels au mois d'avril. I make a cake of rhubarb. Le rhubarbe. Ok. C'est pas aussi populaire en français. Oui, c'est vu au marché. Oui. Oui, mais c'est pas quelque chose que. Oui, c'est pas super. Enfin, je pense pas. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Petite tarte rhubarbe. Peut-être au marché. Oui, voilà, pour les tartes. Ouais. Ça, surtout des gâteaux. Mm. Les gâteaux, on aime bien les gâteaux. Mm. Mm. On va écouter un peu plus de musique. Oui, pourquoi pas. Donc la musique qui va venir, ça va être Je suis un garçon sensible de Philippe Catherine. Et après le bonheur de Mio Sec. On y va. J'ai des croquettes de consomme. et te consomme. Je suis une fille tranquille, tactile, parfois facile. Kiki. Joli corps fait le joli cœur. Les garçons ne me font pas peur. Je suis un garçon sensuel. Ah oui. Un maître transsexuel. Transsexuel. Transformé en temps réel. Un amoureux infidèle. Un amoureux infidèle. Un amoureux infidèle. Un amoureux infidèle. Infidèle. Ah, ah, ah, ah, bla bla bla. Un amoureux fidèle. Je suis un méchant enfant. Pauvre enfant. Abîmé par toutes ces femmes. Et tu pleures. Et, tu pleures. Et je pleure des larmes de mots. Qu'on fasse de moi un homme. Je suis une fille perdue. Pas tant que ça. D'avoir perdu ma vertu. Je veux un homme aux grandes épaules. Ladies and gentlemen, it's Travel Ramo, fa fa fa. Wednesday nights at 11:59 on KFAI 90.3 FM. I'm the man for you. We're playing the best tracks from the stacks of wax and the only platters that matter. The rock and roll power in the midnight hour. We got the hits, skits, and bits blabbering on to the break of dawn. It's Travel Ramo, fa fa fa. Wednesday nights at 11:59 on KFAI 90.3 FM. It's gonna be crazy. Thank you. l'enfant. Il est là, il est avec moi. C'est drôle quand il joue, il est comme toi. Il a du cœur, il aime la vie et la mort de lui. Te retourne pas. Oh, pars. Mais qu'est-ce que t'as? Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Alors, pars. Et surtout, ne te retourne pas. Oh. Programming on KFAI is supported by the Electric Fetus Independent Record Store. The Electric Fetus carries CDs, LPs, DVDs, gifts, clothing, jewelry, and more. The Electric Fetus also buys and sells used vinyl. The Electric Fetus is at 2000 4th Avenue South in Minneapolis and online at electricfetus.com. Cette fille, cette fille. avec moi. Attends, j'ai pointé dans cette boîte, il y avait l'ambiance genre. J'ai vu passer mec, et comme c'est abruti qui me demande qui ça, mais cette fille est avec moi. T'énerve pas de rage ton salaud. Faire fuir les derniers clients, déjà qu'ils ont eu du mal à venir jusque là, parce que tu vois, la grève, en plus on a perdu au rugby, on a raté les élections, c'est la totale. Alors, je vais dire un bon truc et tu feras bien de me suivre. T'occupes, dégage, retourne au bar, il veut cette fille. Il n'est pas là d'ici un quart d'heure. Il fait un malheur. Il veut cette fille, oh, ce soir est dans son lit. What comment ça non. Et voilà, on est revenu. Donc, on a entendu Jacques Higelin. We had two songs from Jacques Higelin. The first one was Par. Leave. Yeah, yeah. Get out of here. Get away. Par. Yeah, leave. Get out of here. And the second one was, the one we just played was Je veux cette fille. A honky tonk. A honky tonk. You know that word. Honky. No. Do you connaissez pas? It's kind of a dumpy place. Just a bar. And yeah, it was kind not of too nice. Yeah, usually. But that was kind of a bluesy or what do you call right, it? Right. Yeah. Mm-hmm. Of the people. He said, I want this girl. Mm-hmm. Oh. Is the title. Here's the title. I want this girl. Mm-hmm. Pretty cool. Mm-hmm. It was so these two songs were coming from the album Live at the Bataclan, which is the nightclub, the venue where the terrorist attack occurred. But that was like way back when. That was way before that, I think. Mm-hmm. I don't remember. This place has been around for years, apparently, yeah. Even the 19th century. It was the Bataclan. Yeah, we have a. Just a quick thought for all the people in Manchester that went through all that terrorist attack terrible. And these terrible things. So just we're thinking of you. Yeah. Indeed. Good thoughts. What else? Should we play more music? Yes. Pourquoi pas? Yeah. It was very nice to have Yann. Yann left us, but we'll keep in touch. And he lives in Minneapolis, so we know where to find him. Mm-hmm. As soon as he has a next project, maybe a movie or things like just that. Just amazing be, to have all the talent, to play popular or rock or whatever. Yep. And then go from there to an opera. Yeah, you went from metal to opera to something different, a film perhaps. Yeah, who knows? But he was playing. He said he was playing most of the instruments on the last track on his last CD. So it's pretty impressive. Mm-hmm. To see someone so driven, it seems inspirational. Yep. All right. Un peu plus de musique, on y va. Comme s'il avait soudain pris peur en ce tout début d'année. On joue à se faire peur à l'idée qu'il ait pu s'évader, mais il s'est caché tout à l'intérieur. Il veut juste se refaire la journée. S'échappe. Est-ce que c'est pour longtemps? Comment il s'attrape? Comment il se reprend? Le bonheur quand il s'échappe? Est-ce que c'est pour longtemps? On court après le bonheur, comme s'il pouvait nous échapper. On est prêt. Comment il s'attrape, comment il...

reste que les erreurs. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre, chaque jour reste le nôtre. Chaque jour reste le nôtre. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le cœur, on le sait voyageur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre. Chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre. Chaque jour reste le nôtre. Une minute après l'autre. Chaque jour reste le nôtre. C'était Louise Attaque. Ah, j'ai bien aimé. Bon, il n'y avait pas que Louise Attaque. On a eu d'abord, après Le Bonheur de Mio Sec. Ensuite, on a eu Madame, Monsieur, avec la chanson Égérie, It's Like a Muse. Mm-hmm. Et Louise Attaque, the song was Chaque jour reste le nôtre, Every Day Remains Ours. Et on va vous souhaiter une bonne semaine et remercier Yann. Oui. Et si Yann est à l'écoute, merci et bonsoir, Yann. Et merci et bonsoir, tout le monde. Au revoir. And don't forget to, you can, if you haven't been able to listen to us tonight, you can listen to our previous show. They're on KFAI.org. Look for the program Bonjour Minnesota, and you can listen to the past 2 weeks. You can also contact us either by email, bonjourminnesota@gmail.com, or follow us on like us on our page, Facebook page. I mean, we post some music, some articles, some local things about crepe or mm-hmm. whatever comes around. Beaucoup de choses. Et partagez avec nous vos idées aussi. Oui. Merci. À bientôt. Bientôt. Moi,